Vous achetez les fruits au marché? Oui, je les achète au marché. Vous mangez des fruits tous les jours? Oui, j'en mange tous les jours. Vous mangez les légumes cuits? Oui, je les mange cuits. Vous mangez des légumes le soir? Oui, j'en mange le soir. Vous buvez du café le matin? Oui, j'en bois le matin. Vous gardez le café dans une boîte? Oui, je le garde dans une boîte.